Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Économie, le nouveau rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette émission à l'actualité immobilière tant l'immobilier intéresse les Français, pour preuve le succès des émissions à la télévision. Alors au programme, analyse du marché immobilier et conseils pratiques, le tout entrecoupé de chansons avec toujours fidèle au poste, Isabelle. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Alors bienvenue pour l'Instant Éco qui le temps d'une l'émission se transforme en Instant Immo et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors commençons par notre première rubrique, l'instant explication, avec cette question: faut-il acheter ou louer ? Le marché immobilier au niveau de l'accession à la propriété est très soutenu actuellement et n'a pas souffert véritablement de la crise sanitaire. Alors dans ce contexte, faut-il vraiment devenir propriétaire ? Rester locataire n'est-il pas parfois préférable à l'accession à la propriété ? Alors imaginons que vous louez un appartement agréable depuis quelques années et hésitez à le quitter pour devenir propriétaire de votre résidence principale. Et avant de s'engager dans cet achat immobilier, il va falloir tenir compte de certains paramètres. Alors tout d'abord Isabelle, on doit analyser quelle est la situation professionnelle et financière du candidat à l'accession. Et oui Jérôme, tout le monde nous rabâche qu'acheter plutôt que louer évite de jeter de l'argent par les fenêtres. Mais avant de devenir propriétaire, demandez-vous si cela correspond réellement à votre situation actuelle. En achetant, vous perdez la liberté de déménager facilement, pour des raisons familiales ou professionnelles. Si vous hésitez encore sur votre avenir proche, ne vous engagez pas. Et puis, vérifiez aussi vos capacités financières. Si vous ne pouvez acquérir qu'un petit logement avec des défauts dans un quartier que vous n'aimez pas, mieux vaut louer une surface plus grande dans un secteur qui vous plaît, tout en constituant une épargne pour devenir propriétaire plus tard. Alors, deuxième idée à prendre en compte, Isabelle, devenir propriétaire, ce sont des frais supplémentaires. Et oui, en achetant, vous devrez débourser des droits de mutation, que l'on appelle dans le langage courant les frais de notaire, qui sont compris entre 7 et 8% du prix d'acquisition pour un achat immobilier qui a plus de 5 ans. Pour un achat d'un bien immobilier neuf, vous subirez la TVA immobilière de 20%. En plus, vous réglerez chaque année une taxe foncière dont le montant risque encore d'augmenter au fil des années avec la suppression de la taxe d'habitation. Deux charges qui ne pèsent pas sur le budget d'un locataire. Et puis, vous supporterez 100% des charges de copropriété si vous optez pour un appartement dans une copropriété, alors qu'un locataire ne supporte que les charges courantes. Par exemple, tous les travaux importants restent à la charge du propriétaire. Alors par contre Isabelle, l'accession à la propriété vous procure un avantage important. Acheter aujourd'hui en pleine activité professionnelle, c'est éviter au moment de votre retraite d'être locataire. C'est éviter que votre loyer ne pèse trop lourd dans votre budget quand vos revenus baisseront, puisqu'en principe, le crédit immobilier associé à cet achat sera remboursé. Donc il faut analyser la situation au cas par cas. Et ce qui pousse actuellement les Français vers l'accession à la propriété, c'est le niveau très bas des taux d'intérêt, qui, Isabelle, a atteint ces dernières semaines un niveau record à la baisse. Du jamais vu. Les taux d'intérêt moyens, toute durée confondue, a touché un niveau plus bas d'après les dernières données de l'Observatoire Crédit Logement. 1,07%. Un plus bas historique. Désormais, vous pouvez espérer obtenir un crédit à moins de 1% sur 15 ans. 0,87% en moyenne. Mais aussi sur 20 ans. 0,99% en moyenne. Alors on comprend mieux pourquoi de plus en plus donc de Français sautent le pas, y compris dans notre agglomération. Et à l'Instant Éco, nous avons notre expert immobilier Morgan Echevarria, qui est agent immobilier à l'agence Boufflers de Nancy. Alors je suis allé cette semaine à sa rencontre dans son agence immobilière pour lui poser quelques questions. Eh bien, merci Morgan Echevarria de nous accueillir et de répondre à quelques-unes de mes questions. Alors, on a vu donc effectivement que le marché immobilier au niveau national était donc dynamique. Est-ce le cas également au niveau nancéen ? Oui, c'est le cas. Nancy est concernée au même titre que tout le pays, peut-être à l'exception de Paris apparemment, d'après les médias. Mais en tout cas, sur Nancy, il y a une vraie volonté d'acquérir un bien, que ce soit maison, appartements, et les investisseurs sont plus de jamais présents sur le marché, donc ce qui fait qu'on a un marché qui est tendu. Et du coup, bah, il y a forcément un effet de levier sur les tarifs. Donc des prix qui ont une tendance donc à progresser. Effectivement, on est sur un marché qui est plutôt haut. À titre personnel, je pense qu'on est arrivé sur un plateau parce qu'on arrive à atteindre dans certaines rues ou dans certains quartiers 2800 euros le mètre carré pour certains biens en parfait état avec bah, toutes les commodités qui vont bien. Mais par contre, voilà, après, il faut que ça reste cohérent avec, on va dire, la typologie de client qui est à Nancy par rapport aux revenus. C'est vrai que de plus en plus de ménages ont des difficultés à se loger sur Nancy parce que en fait leur revenu n'a pas évolué au même rythme effectivement que les prix immobiliers et certains ménages acceptent maintenant d'acheter un logement en périphérie de Nancy. Alors on constate effectivement que les banques donc acceptent aujourd'hui un taux d'endettement autour de 35% au lieu de 33%, mais parallèlement donc les banques sont de plus en plus frileuses. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Effectivement, ça peut paraître contradictoire. D'un côté, ils sont censés, on va dire, augmenter, enfin, donner plus de capacité d'emprunt aux gens, mais en même temps, ils sélectionnent. Alors après, moi, dans ce que j'ai pu remarquer dans mes dossiers, c'est que, bon, j'ai pas vu de... on va dire d'incidence, hein. J'ai pas eu de changement de position des banques. Mais par contre, ce qu'on peut un peu remarquer dans les échos que j'ai eus, c'est qu'effectivement, même ils cherchent plutôt un profil. En dehors des revenus, il y a aussi le profil. Si ils vont peut-être préférer deux fonctionnaires avec un salaire de 1500 euros qu'une personne qui malheureusement travaille aujourd'hui dans la restauration avec ce qui se passe et qui gagne 2000 et quelques euros, quoi. C'est plutôt un profil pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis dans les années à venir. Oui, mais alors donc pour les primo-accédants, c'est-à-dire pour ceux qui veulent accéder pour la première fois à la propriété, est-ce qu'il n'y a pas justement des difficultés à obtenir un crédit ? Je dirais que non, parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même de très bons profils, même très jeunes. Nous, c'est ce qu'on a remarqué là depuis l'histoire de la crise, où il y a eu plus d'acheteurs qui arrivaient sur le marché. Et au final, il y a quand même des gens qui ont des revenus au-dessus de la moyenne nationale. Plus qu'on le croit, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Et au final, on n'a pas remarqué de difficulté. On va dire... Ou alors, les gens qui avaient vraiment des salaires au SMIC à deux, eux, c'est les plus pénalisés. Voilà, en fait, on va dire que malheureusement, il y a un petit fossé on a remarqué qu'il se creuse un petit peu pour se positionner sur certains biens. Eh bien, merci Morgane Echevarria pour ces informations sur l'actualité immobilière dans l'agglomération nancyenne. Et je suis certain qu'on vous retrouvera régulièrement pour une chronique dans l'Instant Écho. Alors donc, première pause musicale maintenant. Et donc, dans l'Instant Écho, on tente de favoriser l'économie locale. Et pour nos deux pauses musicales, nous avons décidé de soutenir deux artistes locaux après cette période bien difficile qu'ils ont traversée. Donc, dans quelques instants, on retrouve les membres du groupe Ben and Freddy's. Bien, nous accueillons dans le studio de l'Instant Écho le groupe Ben and Freddy's. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors première question, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre groupe ? Oui, alors rapidement, au départ, on s'est rencontrés, Fred et moi, dans le cadre professionnel. Et on a découvert petit à petit qu'on était musiciens tous les deux. Lui avait créé un petit groupe comme ça avec un autre collègue. Et au fur et à mesure, ils ont vu que j'apprenais, je savais aussi faire de la guitare finalement, et puis ils m'ont proposé de rentrer dans le groupe. Bref, ça c'était initialement lors de notre rencontre. Et ensuite, c'était pendant le confinement, vers avril-mai, on continuait à jouer de la guitare, mais on ne pouvait pas se voir à cause du confinement. Et donc, à distance, quand on se faisait des petites visios à deux, on jouait deux, trois morceaux comme ça, et puis au bout d'un moment, Fred, il me dit « Oh, tiens, j'ai une petite idée, là, on va se faire une petite chanson. » Alors, c'était une chanson, comique, hein. C'était sur le confinement, finalement, donc c'est parti comme ça. Il avait des paroles, il avait déjà trouvé la musique, et puis on s'est dit « Tiens, il faudrait qu'on l'enregistre. » Alors, on l'a enregistré, et puis de fil en aiguille, un titre, on s'est dit « Tiens, c'est pas mal du tout. » Et puis finalement, on a eu pas mal d'inspiration, en tout cas Fred, comme ça, parfois il me disait « Ouais, j'ai une idée là », et il me sortait des paroles, il me sortait carrément de la musique qu'il avait créée sur GarageBand. J'ai dit « écoute, c'est parti, On va continuer là-dessus. Et puis on a fait un morceau, deux morceaux, trois morceaux, quatre morceaux. Pendant 2-3 mois, on a réussi à faire quoi ? Une douzaine de titres, environ, quoi. Alors c'est pop rock, c'est... on se base sur GarageBand, on met de la guitare derrière, Fred trouve les paroles, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait, voilà, pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors très bien, alors, si j'ai bien compris, les rôles sont bien répartis entre vous deux. Alors Fred, le parolier du groupe, d'où vient votre inspiration ? Alors l'inspiration vient forcément de l'expérience qu'on peut avoir de la vie, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on voit. Après, c'est des fois, on ne sait pas pourquoi, une idée qui vient comme ça tout d'un coup. Et puis après, on prend le stylo et on commence à écrire. Et c'est vrai que finalement, comme le disait Benjamin, je pense que le confinement a permis de peut-être se concentrer sur des choses qu'on ne fait pas d'habitude, parce que finalement il fallait choisir entre rester devant Netflix toute la journée ou essayer de faire quelque chose. Et c'est vrai que voilà, le fait de se poser, de réfléchir un peu, et puis ça correspond aussi à des changements de vie, des événements qui font que tout d'un coup on a envie de dire quelque chose. Et je pense que voilà, la musique, c'est un bon moyen de pouvoir s'exprimer. Très bien. Et pour la partie musicale, Ben, une passion pour la musique qui, je suppose, a commencé assez tôt ? Oui, ça a commencé assez tôt, effectivement, je dirais vers 16 ans. Alors, je voulais faire de la guitare avant, hein, déjà. Et puis à 16 ans, voilà, je me suis dit, allez, là, j'y vais. J'avais un beau-frère, en plus, qui faisait de la guitare. Je me suis dit, allez, là, ça me donnait vraiment très envie de jouer. Et j'ai fini par acheter une guitare classique au départ. J'ai commencé comme ça avec 2-3 conseils de mon beau-frère. Et puis ensuite... j'ai pris un an de cours quand même, hein, même si au départ, bon, initialement, j'aimais la musique, donc ça, j'avais déjà, si vous voulez, le truc, quoi, le petit truc de la musique. Donc c'était déjà bien parti, le rythme, etc. Et puis voilà, après, j'ai progressé par moi-même, j'étais un peu autodidacte, et voilà, ouais, vraiment, c'est... Vers 16 ans, voilà, j'ai commencé assez tôt. Donc maintenant, ça fait un petit moment. Très bien, nous allons maintenant écouter donc la chanson « Malchimie du bien ». Alors donc, Fred, cette chanson est-elle autobiographique ? Effectivement, comme je vous le disais tout de suite, on écrit finalement des choses qui sont en nous, qui viennent de notre expérience. Et effectivement, il y a toujours une partie autobiographique, même si c'est vrai que parfois, pour aller chercher un peu la rime, on va peut-être... essayer de romancer un peu, si on peut dire, la chanson. Mais c'est vrai que l'idée originale, c'est toujours quelque chose qui nous touche, qui parle un peu de nous. Très bien, mais retrouvons donc le groupe Ben & Freddy's avec la chanson « Malchimie du bien ». Je tourne en rond, je te cherche partout. Je te trouve pas, putain, mais t'es où ? Je brasse de l'air autour de moi. Je voudrais t'atteindre du bout des doigts. Je t'imagine, je te sens tout autour. Quand la nuit tombe au lever du jour, mes mains se promènent sur les draps. Je serre l'oreiller comme si c'était toi. Je veux pas d'un amour qui fait mal. Mauvais trip d'une souffrance qui s'étale. Ne plus jamais pleurer comme un con. Perdre les pédales, dérailler des raisons. Thank you. sentir seul, me sentir mal, aller me plaindre que j'ai pas le moral. Il suffirait de croire que l'amour c'est easy et simple comme bonjour. Ne jamais plus se dire au revoir. Penser ce qu'on dit et juste y croire. On balance l'orgueil, on jette la fierté. On arrête de se tirer des balles dans le pied. Aimer dépendre n'est pas une faiblesse. Le dire, le crier, pas une détresse. Je veux d'un amour qui fait du bien. Donne tout et qui demande rien. Qui répond aux questions qu'on se pose pas. Qui dépend de nous, de toi, de moi. Alors, on va retrouver tout de suite donc la partie juridique avec donc Isabelle. Alors, ce mois-ci, petite question, suite à un arrêt de la Cour de cassation, est-on libre de disposer librement de son bien immobilier ? Alors Jérôme, je voudrais évoquer ce matin un litige à la suite d'une décision rendue par la Cour de cassation le 15 avril dernier. Litige qui opposait le propriétaire de terres agricoles à son fermier. La mésentente entre le bailleur et son locataire dans le cadre d'un bail rural était de notoriété publique et le propriétaire avait vainement tenté d'obtenir la résiliation du bail. Ayant décidé de se débarrasser de ses terres, le propriétaire qui n'avait pas d'héritier avait décidé de faire des donations à des agriculteurs voisins. Or, le fermier locataire des terres avait saisi la justice pour demander l'annulation de la donation, estimant que l'intérêt réel des donations n'était pas de faire des cadeaux aux bénéficiaires, mais de le priver du droit de préemption qu'il aurait eu en cas de vente. Car, en effet, en cas de vente de terres, le locataire est prioritaire sur la vente. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. Le propriétaire a répliqué qu'il avait parfaitement le droit de donner son bien et qu'il n'y avait aucune manœuvre frauduleuse justifiant cette annulation. Mais les juges ont relevé l'existence d'un contexte belliqueux entre les deux parties et les juges ont donné raison au fermier locataire. Cet arrêt a donc décidé d'annuler cet acte de donation, limitant ainsi l'exercice du droit de propriété du propriétaire bailleur. Merci donc Isabelle pour cette chronique qui démontre que le droit de propriété n'est pas absolu. Alors on va continuer à vous donner des conseils pratiques et notamment donc les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'un locataire veut donner congé à son bailleur. Car tout est bien réglementé par une loi, la loi du 6 juillet 89 et le locataire doit respecter 5 formalités. Donc voici donc les 5 fautes fréquentes à éviter, faute de quoi votre demande ne sera pas recevable. Alors Isabelle, je vais te solliciter. Première erreur. À ne pas se tromper sur les conditions de forme. Alors Isabelle, comment doit-on adresser son congé au bailleur ? Alors, une demande de congé se fait généralement par lettre recommandée avec avis de réception adressé au bailleur ou par acte d'huissier. Il est également possible de lui remettre en main propre contre récépissé. Quitter son propriétaire ne se fait donc pas par mail ou par SMS. Tout à fait Isabelle. Ensuite, vous savez que vous devez respecter un délai de préavis en principe de 3 mois. Et la deuxième erreur, c'est de savoir que la date de départ du préavis ne commence pas à courir à partir de la date d'envoi du courrier. Si vous envoyez votre congé par lettre recommandée avec accusé de réception, LRAR, c'est la date de réception effective par le propriétaire qui marque le début du préavis. Il faut donc que le propriétaire signe l'accusé de réception. Si le propriétaire n'est pas là ou ne va pas chercher son recommandé à la poste, le congé ne prend pas effet. D'où l'avantage de recourir à l'huissier, puisque la date de début du préavis correspond à la date de présentation de l'huissier chez le propriétaire, qu'il soit présent ou pas. Inconvénient, faire appel à un huissier coûte environ 100 euros contre seulement 5 euros pour une LRAR. Alors, troisième erreur, croire qu'une demande de congé du bail suffit lorsqu'il y a plusieurs locataires. En effet, même en cas de mariage ou de PACS, toutes les personnes signataires du bail de location doivent signer la demande de congé. Faute de quoi, le bail continue au profit des autres. Alors, quatrième erreur, exiger un préavis raccourci d'un mois sans y avoir droit. Car l'erreur la plus fréquente commise par les locataires dans leur demande de résiliation correspond à se tromper dans les motifs de demande de préavis raccourci. Ont le droit, en fait, d'exiger un préavis d'un mois au lieu de trois, seuls les locataires avec l'un des motifs suivants prévus par la loi, à savoir devoir changer de domicile pour des raisons médicales, être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, avoir été licencié, toucher le revenu minimum de solidarité active en cas de mutation, avoir trouvé un emploi après une période de chômage, être locataire dans une zone donc jugée donc tendue hein, dans la plupart des grandes villes. Alors c'est le cas par exemple donc à Strasbourg, mais c'est pas le cas à Nancy. Hein. Et depuis le 1er août pour les personnes victimes de violences conjugales. En sachant donc que les personnes éligibles à ce préavis réduit doivent prouver qu'elles y ont droit avec des pièces justificatives qu'elles doivent joindre avec le courrier de congé. Sachez également que le propriétaire peut accepter qu'un locataire quitte le logement loué avant la fin du préavis si le locataire lui trouve un autre locataire ou que lui-même ait déjà trouvé un remplaçant. Pour vous protéger, je vous recommande de demander une confirmation écrite d'autorisation de quitter les lieux avant de la part du propriétaire de l'appartement ou de la maison que vous louez. Alors enfin, cinquième erreur, se dispenser de payer le dernier mois de loyer pour récupérer le dépôt de garantie. De nombreux locataires se permettent de ne pas payer le dernier loyer, estimant effectivement que ou les deux derniers mois dans le cas d'une location meublée, sauf que c'est illégal de ne pas payer son loyer, car le dépôt de garantie sert à protéger donc le bailleur contre d'éventuelles dégradations locatives et il sera reversé au locataire qui a rendu le logement sous un mois si l'état des lieux est conforme et sous les deux mois qui suit l'état des lieux de sortie, si l'état des lieux de sortie fait apparaître des dégradations. Voilà donc, je pense, Isabelle, que ces 5 conseils pratiques seront bien utiles pour donc les candidats locataires. On va passer maintenant à la deuxième pause musicale, toujours en lien avec des artistes locaux. On retrouve dans quelques instants donc l'artiste Lorita. Alors, deuxième pause musicale, on va retrouver maintenant Lorita. Bonjour Lorita. Bonjour. Donc Lorita qui travaille en collaboration avec le groupe Ben & Freddy's. Alors, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Je suis Laure, ou Lorita, Laurita en l'occurrence. J'ai rejoint le groupe cet été, à la fin de l'été. Ça fait presque 20 ans que je chante, mais assez peu avec du monde, on va dire, c'était plutôt pour moi. Et puis j'ai rencontré des musiciens avec lesquels j'étais bien, j'étais en confiance, et notamment d'abord Benjamin et ensuite Fred. Et on a commencé à composer ensemble sur la base de textes que Fred avait écrits et qui m'ont plu, qui m'ont plu tout de suite. Alors nous allons écouter dans quelques instants Mystère, écrite par Fred. Alors comment s'approprier une chanson justement que l'on n'a pas écrite ? Déjà c'est la poésie, si la poésie vous touche et vous plaît, si elle vous parle, il y a des chansons comme ça où on peut rattacher à sa propre expérience quand on a un peu de vécu, alors là en l'occurrence un petit peu de vécu amoureux, sentimental. Ou même amical, ça peut fonctionner aussi. Ça parle forcément à une partie de chacun d'entre nous. Donc, et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est si c'est bien écrit, si le texte est beau, si la poésie me parle, s'il y a un rythme dans les mots. Pour chanter, pour se l'approprier, ça fonctionne. Très bien. Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission L'Instant Écho, avec la volonté de valoriser les acteurs locaux. Alors, pour terminer, quelle est votre actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Alors, bah, comme disait Benjamin tout à l'heure, on a enregistré déjà beaucoup de titres depuis un an. On enregistre quelques titres depuis quelques temps avec Laure aussi. Donc je pense qu'à terme, on aimerait pouvoir publier cette musique alors sur Internet ou sous forme de petit album. Enfin, on verra ce qu'on peut faire. Et ensuite, c'est vrai qu'avec les lieux de spectacle qui vont petit à petit rouvrir, alors en parlant de petits lieux, des petits bars, etc., c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir aller présenter notre musique dans des lieux qui voudront bien nous accueillir. Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir vous retrouver effectivement tout au long de cet été. Laure également, vous allez suivre effectivement le groupe. Oui, bien sûr, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse se produire ensemble. Quand l'occasion nous en sera donnée. Très bien, on va justement vous retrouver donc avec la chanson donc Mystère. Et ainsi donc s'achève cette émission de l'Instant Éco spécial immobilier. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Isabelle, merci d'avoir participé à cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Merci Jérôme. Eh bien rendez-vous très prochainement sur les antennes de Radio Fadjet et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.